capitaine. Bienvenue sur le vaisseau phare. Je sais que c'est le vaisseau phare. C'est le mien. Le capitaine On. Eh oui, parce que c'est le pharaon, c'est ça? Le vaisseau pharaon. Oui, c'est ma blague préférée. J'adore Lucky Luke. Piu piu. Sangoku. Bref, pourquoi vous m'avez appelé? Capitaine, votre dessin animé préféré est sorti avec votre personnage préféré, Dingo. Ah oui, c'est vrai, j'adore Dingo, surtout quand il bondit avec sa queue. Oui, exactement, vous adorez Dingo quand il bondit avec sa queue. Ah bah super, passez-moi la cassette. Mon film préféré, c'est Blade Runner. Non, c'est Star Wars. Ah oui, c'est vrai. Bah surtout la prélogie, j'adore Jar Jar Binks. J'adore quand il marche dans le caca. Vous avez vraiment de bons souvenirs, monsieur. Vous voudriez pas faire un podcast sur Star Wars? Non, parce que je déteste les gens et les podcasts. Moi, je fais que de la fiction. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis le Capitaine On. Je suis le phare, le vaisseau phare à fiction. Fix, c'est mon prénom. Enfin bref, déroulez la cassette audio. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, il arrive derrière, il défouraille, lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas du tout Dingo. Oh, désolé, capitaine. Oh non, c'est Oh zut, c'est la télé française. Oh punaise. Attends, il faut que j'écrive... écrivez-moi. Oh, c'est pas possible, ça. Bruit de papier de jambon qui a été affiné dans les montagnes suisses pendant 26 mois. Qu'est-ce que vous racontez, capitaine? J'en sais rien. Joyeux anniversaire. Les aventuriers.